Donc voilà, c'est toujours Bulle de Rêve sur Radio Libertaire 89.4 ou sur Internet. Je vais vous dire rapidement, nous écoutions donc Rodan de Satomi Cielo, qui est plus distribué, il faut regarder, je crois, sur Amazon, mais qui est sur Zadig, hein, le superbe label de John Zorn. Et juste avant, parce que tout à l'heure, je suis parti dans autre chose, c'était The Big Gun Down. Donc, c'est John Zorn qui joue la musique des New Morricone. Vous avez un morceau de 8 minutes, notamment une fois dans l'Ouest, il y a des choses absolument incroyables. Toujours chez Zadig, bien sûr. Le label, j'arrivais plus, j'étais. Le mot qui me venait en tête, c'est le logiciel. Comme quoi, c'est terrible. C'est mieux, ça. Le label, c'est pas de John Zorn. Donc, on a eu comme invité principal, on a toujours Georges Lacroix qui nous parlait de fantômes, d'insectes. Et quand j'ai mis ça sur The Web Anime, il y a quelqu'un qui a de suite répondu. C'est Alexandre et qui a dit « Ah oui, moi je connais, vous lui dites bonjour de ma part, c'est génial, etc. » Très peu de temps après, Lionel Richerand, créateur et réalisateur, alors il a fait un court-métrage qui s'appelle « La peur du loup », si je me souviens bien. Est-ce que c'est le nom exact, Lionel? Je suis désolé si je ne suis pas, mais je crois que c'est bien ça. Alexandre me fait signe et qui est ensuite réalisateur de séries notamment, et qui nous a mis un petit mot en disant oh, moi un secteur je dessinais les personnages, redessinais, j'adore ça, merci beaucoup, enfin etc. Voilà, on a eu tous ces les très talentueux. Il a travaillé entre autres sur le 26 minutes qu'on a fait sur le secteur spécial Noël. D'accord, donc voilà, donc c'était, il a fait référence je crois dans son message au spécial Noël, il faisait des références, tout à fait, exact. Et donc, quand Alexandre a dit, c'est vrai qu'on s'est dit... Ah oui, Alexandre, il faut l'inviter. C'était aussi évident qu'il fallait inviter Alexandre. Oui. Alexandre, c'est... donc, il nous a dit tout à l'heure déjà un petit peu, hein, c'est Super Infocom. Oui, pas la première, mais parmi les premières promos. Je suis déjà assez vieux, me vieillis pas trop. J'y tiens. Et ensuite, après Super Infocom, tu as été directement... J'ai fait un Master of Art, en fait, après, à Angoulême. D'ailleurs, un peu dans l'esprit BD, mais moi, n'ayant développé aucun talent proprement dit pour le dessin, donc je rattrapais en fait mes grosses lacunes de jeunesse en allant, puisqu'on avait on était même logé dans le Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image, et donc j'ai rattrapé un peu tous les soirs. On avait le droit de prendre autant de BD qu'on voulait, donc c'était vachement sympa. Donc j'ai un peu rattrapé comme ça, et c'est vrai que c'est un univers que j'adore et tout, mais j'ai pas été, quand j'étais très très jeune, consommateur de BD. Beaucoup de BD, mais par contre j'en reconnais le vrai intérêt, et puis de toute façon je pense que la BD, même actuellement, c'est jamais aussi bien porté. En tout cas l'offre est énorme. Tout à fait. Ensuite, il y a des travails dans des boîtes, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, MacGuff. Ouais, c'est alors d'abord en fait, ça, après ou... le master, en fait, après le master of art, dans lequel, effectivement, on évoquait ça tout à l'heure avec Georges. Georges est passé ponctuellement comme ça, dans différentes écoles que j'ai fait, entre Super Infocom, le master of art, donc juste après, oui, le master of art, je suis allé faire un tour à Paris. Il y avait une certaine quantité de sociétés dans lesquelles on avait envie de rentrer, moi et d'autres étudiants, et comme on était, enfin en tout cas par rapport au master of art, on était 5 étudiants en sortant de là. On avait moi je me souviens d'une période où je suis allé dans je ne sais combien de boîtes, frapper à la porte, voilà, et quelques temps après, en fait, MacGuff m'a rappelé pour un premier ride qu'ils avaient à faire, donc un ride juste pour expliquer. Donc un ride, c'était une espèce d'équivalent de jeu parc d'attractions virtuel, parce que là c'était leur premier, c'était mon premier, et je crois que, enfin, ils se souviennent de la fatigue engendrée, mais je crois que j'ai failli mourir quand j'ai commencé. J'ai passé je crois 4 mois sur 40 secondes, et avec un rythme assez soutenu. Wow. Et puis en plus, pour moi, je débarquais dans une société qui était à l'époque dans le 13e arrondissement, qui, là, ils sont près de la Tour Eiffel, mais maintenant, autrefois à l'époque, on n'était pas beaucoup, on était, 10-15 personnes. Là, maintenant, ça a changé au niveau numérique, mais c'est beaucoup. J'ai eu donc l'occasion de commencer sur un ride qui était japonais en plus. Donc c'était pour la difficulté des rides, en dehors du fait qu'en plus celui-ci était stéréoscopique, donc on n'avait même pas les capacités à MacGuff de stocker le calcul d'un œil. Il fallait on calculait, on shootait un œil, puis après, en fait, il fallait faire de la place pour calculer le deuxième œil. Enfin, c'était un truc à l'époque. En même temps, des capacités qui maintenant feraient un peu rire, parce qu'on a à peu près ça sur. C'était peut-être à l'époque, je sais pas, peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'était peut-être 2 téra en tout, tous les disques durs réunis de MacGuff. Je reparle technique, mais c'est juste pour réévaluer un petit peu les notions assez rapides, parce que bon, même si je suis pas tout jeune, il n'y a pas très très longtemps non plus qu'on faisait ça, mais ça évolue très très vite. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé, en tout cas chez MacGufflin, j'avais fait quelques sociétés avant, j'avais fait UMTT Vision, j'avais fait Images Ressources des sociétés dans lesquelles je faisais des piges sur des pubs, des choses comme ça, donc toujours en utilisant à l'époque, au début des piges c'était Explore, après c'est passé au fur et à mesure à d'autres logiciels, mais voilà, donc j'étais aussi habitué à utiliser un petit peu. Tout un tas de logiciels différents. Et pour l'anecdote aussi, le noyau à la base de la 3D à MacGuff, c'était Explore, qui a été transformé par les programmeurs en partie, qui avaient eux-mêmes développé la partie anime sur Explore. Et Rodler aussi polygonal. Voilà, et puis eux, ils développaient. Enfin, c'est vrai que MacGuff, l'avantage, c'était des outils faits maison. Donc, même l'outil pour faire le compositing était développé à l'intérieur de MacGuff, et c'était vachement intéressant d'utiliser des. C'était à la fois plus fatigant parce que là, c'était, il n'y avait pas de manuel, il y avait rien, il n'y avait que les gens qui le développaient. Donc, voilà. Mais il y a un côté artisanat, en tout cas au début de MacGuff, qui moi me plaisait beaucoup. C'était le fait de d'avoir un rapport avec les gens qui pouvaient développer des outils qui eux-mêmes étaient en fait en interaction avec nous et en fonction de nos demandes et tout. Et ça c'est je referais pas forcément ce parcours là mais il était intéressant pour le moment où le stade auquel l'envie que j'avais aussi, on a tous envie quand on débarque étudiant de faire des choses qui passent à la télé et tout ça, voilà, et puis après on a envie Il y a un film, moi je voudrais recommander quand même, là tu nous donneras l'adresse, moi j'avais particulièrement, enfin comme tout créateur, il me dit à la menthe, oh là là c'est vieux, il y a un film qui est génial qui s'appelle La Menthe, et je trouve que ce film ne pouvait pas être fait autrement. Justement, on parlait de l'outil et du média qu'on utilise. C'est La Menthe. C'est un court métrage, mais qui est totalement personnel, là, par contre. C'est gentil de la part de toi, Georges. Où on le trouve? C'est un film très vieux, mais c'est vrai que, disons, juste pour évoquer, c'est vrai que ça a été un moment où, finalement, j'ai fait ce film-là, en réunissant, finalement, Lardus, qui était un des producteurs qui faisait dans le court métrage, finalement, même avec Jérôme, quelques temps avant. C'était leur premier film d'animation. Donc là, j'ai eu envie de réunir en fait ce studio dans lequel je travaillais tous les jours pour autre chose que mes volontés à moi, et en même temps de réunir finalement ça c'était la construction d'un film qui était un petit peu labo, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai développé via les softs que j'utilise tous les jours comme Trucor et Symbor, qui sont donc deux logiciels. Ça a dû changer depuis, et j'imagine utiliser des logiciels plus standardisés. Ils ont toujours leur département de développement, mais ce qui était intéressant justement, c'était pour moi de faire fi le maximum de ce que je venais d'apprendre en termes de maîtrise logicielle, et d'utiliser par contre ces outils logiciels en les détournant. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'époque j'ai fait un film en 3D, La Menthe en fait, mais où j'avais dessiné des trames à la main sur en pastel. J'avais récupéré ces trames-là, je les avais réinsérées dans des composantes que je sortais à partir de la 3D, et je voulais tout recomposer après. C'est-à-dire qu'en fait j'avais sorti les ombres, j'avais sorti les impacts lumineux, j'avais sorti les volumes, mais je reconstituais finalement toujours dans cette envie aussi de pas utiliser finalement le rendu 3D directement sorti d'un logiciel, mais j'avais envie de reprendre la main en fait quelque part, et de presque de déiser entre guillemets. Là, je sais que la mode en ce moment c'est plutôt de dire 3D ou du relief, mais j'avais envie de reprendre, comme j'avais en fait eu ce dossier par le festival d'Annecy, en fait ce La Menthe à la base c'est le concours de projet, et en fait j'avais fait des pastels pour montrer le projet, et en fait je voulais pas lâcher ça, en fait j'avais envie de réunir à la fois la 3D, mais en même temps d'avoir cette envie, et ce que je préfère même dans tous les artbooks qui viennent des grosses productions américaines, en fait c'est les artbooks, c'est-à-dire toute la conception. En fait la conception moi me plaît énormément, par rapport au fait que je pense que le vrai plaisir de l'auteur pendant la conception du film, elle est encore toute grande. Après, je pense qu'il y a tout un tas de renoncements, de choses qui font qu'à un moment donné, quelque chose peut partir, vous échapper, mais dans toute la conception, il y a vraiment, c'est comme si on vivait un rêve, et toute cette élaboration-là, c'est cette course vers je vais y arriver, je vais essayer de transposer sur du réel quelque chose que j'ai dans la tête. Et donc j'ai voulu un peu mélanger ça. Donc effectivement, j'ai beaucoup trituré, j'avais un arbre de compose, c'est-à-dire une espèce de processus de création à partir de la 3D qui donnait une image en 2D à la fin, mais qui partait de je ne sais combien de couches initiales, mais je ne voulais pas utiliser ces couches initiales à la base, quoi. Ce qui est étonnant quand on regarde au-delà de la technique, ce qui est étonnant quand on regarde la menthe, c'est en fait le travail vraiment éminemment plastique du film. Je ne parle pas, on peut aimer le scénar, ou oui, moins sûr, aimer, sûr, ou ce sûr, genre de choses. Juste, il est encore aujourd'hui très impressionnant à un niveau purement plastique. Comment... Bon, tu nous as expliqué un petit peu tout le processus que tu as utilisé. Tu avais des influences, il y avait des choses qui étaient venues pour la, ah oui, pour la menthe. Sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, c'est à l'époque où je m'ouvrais beaucoup. Enfin, j'avais vraiment envie de casser, finalement, ce côté peut-être un petit peu aseptisé que je sentais vite arriver dans les gens qui parlaient que synthèse, finalement. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets de mode à une époque où il fallait suivre telle technique, faire du ray tracing, parce que c'était le dernier plugin en route. Enfin, quand je parle de plugin, là je résume, mais la synthèse c'est encore on parlait tout à l'heure avec Pierre de rendu. Je pense qu'en fait pendant longtemps la synthèse a été s'est traînée de rendu en rendu et utilisait forcément les derniers rendus, et ça je dirais que c'est un peu le côté un peu négatif de suivre un rendu pour un rendu. Or en fait j'avais vraiment envie à l'époque et je m'ouvrais au contraire à tout ce qui n'était pas synthèse, tout bizarrement, alors que j'en faisais tous les jours. J'adorais Yorin Einstein, j'adorais tout ce qui était fait avec trois bouts de ficelle qu'on pouvait nous montrer à Annecy, et que moi je me faisais mais j'étais estomaqué. Je sais que c'est un film que tu adores, mais Fred Meyer, Possibilité de dialogue, qui m'a énormément impressionné, et qui d'ailleurs même maintenant m'impressionne encore beaucoup. Dans le dernier petit délire que j'ai fait pour les 50 ans d'Annecy, pour moi j'avais vraiment ça dans la tête, c'est-à-dire ça m'a fait un énorme choc, ce mélange entre pour sortir de la synthèse, entre les aliments par exemple. Ces confrontations de matière, en fait, c'est presque viscéral, mais quand je regardais même encore le film, j'ai revu il n'y a pas très longtemps en projection 31, ça me fait vraiment une impression que quasiment aucun film me fait. C'est-à-dire, là, je me dis encore, il y a des puissances visuelles qui sont à explorer, qui sont à trouver, en fait. Et c'est vrai qu'actuellement aussi, je fais beaucoup de photos parce que la simplification de la narration à un seul cadre, pour moi, m'impressionne par le travail aussi de plein de personnes. C'est-à-dire que je suis dans la recherche très enfantine de me dire, voilà, une image me transporte plus qu'un film, parfois. Et ça m'impressionne encore, et j'ai encore pas de réponse dans le fait d'essayer d'analyser ça. Et en même temps, c'est ce qui me passionne le plus, parce que l'analyse sémantique d'une image, pour moi, on est encore comme des mômes qui venons d'ouvrir les yeux, et on découvre des coloris, des masses. Et c'est aussi pour ça que l'abstrait m'intéresse beaucoup. C'est tout ça. C'est une fascination extrêmement, même presque pas réfléchie, non analytique, de ce qu'on vous présente et qui peut vous rendre triste, gay, voilà, et vous transporter. En tout cas, cette recherche photographique, finalement, c'est aussi ça qui m'intéresse. C'est repartir sur les bases même de l'image, la sémantique, pour pouvoir peut-être refaire des choses qui bougent en tâtonnant avec des fous de battu ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est un peu cette recherche là et évidemment qui embarque aussi le fait que ce soit pas du tout synthétique, pas du tout synthèse, et qui passe par là aussi. Enfin, pour moi en tout cas, c'est important d'arrêter totalement pendant un temps aussi des trucs en 3D pour mieux y revenir. C'est bien des invités qui en fait parlent tellement bien de leur travail qu'on ne veut pas les arrêter, et on se dit ok, donc ça vient d'en parler c'est bon, et il y a toutes les questions qui passent, et c'est passionnant, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs sujets dont je voulais parler, mais qui est évidemment bon, la menthe, on en a parlé, qu'il faut évidemment absolument que vous alliez voir, la photographie tu viens d'en parler en effet, oui, parce que c'est vraiment quelque chose que tu as. Ben, voilà, j'ai envie de revenir aussi à Georges. En fait, j'ai adoré en fait dans le travail aussi. Enfin, voilà, à mon échelle, en faisant de, enfin, l'internet pour ça vous redonne la main, et je pense que on a dans le futur quelque chose d'intéressant par rapport à l'individualité artistique. Je parle des gens qui veulent s'exprimer, c'est-à-dire la base même. Et je suis même d'ailleurs en ce moment sur les Fous d'Anime, ils ont remis aussi des structures qui commencent à vraiment m'intéresser, d'autofinancement direct, éventuellement par des systèmes de gratification par points, par système PayPal. Enfin, il y a en tout cas le dernier poste de. Je vous invite à aller voir sur les Fous d'Anime, le dernier poste qui a été mis en place. Moi, ça fait aussi longtemps que je commence un petit peu à regarder. Alors, il y a des plateformes qui sont un petit peu qui vous donnent l'impression de ça et qui finalement ne le sont pas. Et en même temps, je pense que les deux derniers qui ont été sélectionnés par C, je pense que c'est un billet de C, révèlent quelque chose d'intéressant qui fera que probablement les gens individuellement pourront peut-être retrouver le contact direct avec le public, enfin les gens qui peuvent éventuellement les soutenir à leur échelle, mais qui pourront permettre de continuer. Et c'est vrai que le petit passage que je fais là, mais qui est une recherche aussi, hein, en photographie, j'ai envie de revenir aussi à Georges, parce que en fait pour moi c'est important de mettre un peu d'humour dedans, parce que j'ai pas envie que les gens, quand ils viennent forcément voir une photographie, rendus introspection avec un dôme, enfin, et forcément beaucoup de bagages ou des choses comme ça. Je veux dire, il faut que ça soit simple aussi. Et bon, voilà, les photographies, les quelques photographies que j'ai développées, voilà, ont une envie aussi, c'est pour moi-même de m'amuser, juste pour que les gens aient de l'ironie. C'est parti plutôt sur l'œuf. Oui, au alors départ, ouais, après l'œuf, là c'est... tu parles plus, il y a beaucoup d'aliments maintenant qui se mettent en place. Ouais, et puis il y avait une thématisation parce que j'écrivais dans un magazine en fait, et j'animais une rubrique qui s'appelait cuisine photographique, et donc je m'étais un peu centré sur le fait de faire des recettes, comme si je détournais un article en disant voilà, moi je vais vous apprendre comment faire une recette, mais qui n'avait aucun intérêt d'être fait, parce que je faisais des flamboisiers, donc des flamboisiers à base d'allumettes, ou des œufs coques COQ avec des clins d'œil sur le rugby, ou voilà. Donc en fait l'idée même d'une petite gymnastique cérébrale pour essayer de s'amuser, encore une fois, et je pense que les gens en même temps ont besoin de ça. Ils ont envie de voir que vous vous amusez d'abord, et qu'ils peuvent s'amuser aussi. Donc en fait vous essayez de faire un partage. Je te coupe juste pour les fans de Florentine, ne vous inquiétez pas, on va avoir, on pense, 10 minutes en plus, parce qu'il n'y a pas d'émission après. Donc pour les fans d'animation, on va pouvoir déborder un tout petit peu, ce qui fait qu'on va avoir le temps de parler avec Alexandre, et il y aura, oui, vous entendrez la voix de Florentine, et vous entendrez Pierre la semaine prochaine. Bah merci. Donc on va pas forcément, mais en tout cas merci Ariel, merci à tout le monde. Donc on va pouvoir en tout cas avancer un petit peu. Des heures sup. Ça c'est plutôt bien, hein. Merci. Ça c'est bien. Donc la photographie. Donc ça, tu viens de nous en parler, et ce mélange, ce plaisir. Juste parce que c'est vrai que c'est important. Si jamais certains d'entre vous sont chez eux, ont l'ordinateur allumé, je vous laisse le temps d'aller devant. Vous regardez. Si en plus vous nous écoutez ça, sur c'est internet, des missions interactives. C'est encore mieux. Voilà, tout à fait. Vous tapez donc Alexandre, Alexandre Dubosc, Dubosc. Et normalement, vous tombez sur son site de suite. Je vous le donne quand même, mais c'est A. Dubosc. Non, il faut pas donner cette adresse-là. C'est pas celle-là. Non, parce que sinon à chaque fois, en fait, il faut juste taper. Tu avais donné la bonne piste. Alexandre Dubosc, et normalement parce ça devrait apparaître dans ça la première. Plus facile, un peu. Non, mais c'est pas ça. C'est que pour pas faire de pub alors que je viens de le faire, mais bon, c'est pas. Non, mais c'est très bien en effet. Donc faut pas. Donc on tape Alexandre Dubosc, on tombe. Et alors là, vous allez avoir pas mal de choses. Ça, et puis il y a aussi un truc sur MySpace, sur pas mal de choses, ouais, etc., sur lesquelles les gens peuvent aller, juste pour vous donner une vision un petit peu. Et juste pour dire quand même que c'est vrai que c'est terrible, mais vous me connaissez depuis des années dans cette émission, c'est que quand même Alexandre, il fait un peu le modeste par rapport à l'amande. C'est vraiment un très très beau court-métrage, et il est en coup de cœur sur The Web Anime depuis des années. Donc vous pouvez, en effet, c'était l'un des premiers coups de cœur qui a été sur The Web Anime. Donc je suis très content évidemment qu'il soit à cette table aujourd'hui. Et alors je sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas l'amande est visible sur ton site. Alors je sais que sur l'Ardux, en fait, ils ont mis

Enfin, tu vas retrouver. Enfin, genre, tu vas retrouver. On va. Enfin, ils ont fait des. Christian ont fait... était là sur l'émission spéciale internet. Voilà, oui. Sur l'émission d'internet, Christian Pfoll, qui était le producteur, était là. On a déjà reçu Jérôme et on va en parler de suite de Jérôme. On va parler et tu as raison que l'Ardux a eu en effet, notamment, je crois, une série qui est passée à un moment donné, parce qu'ils sont assez barges en effet, qui était passée sur Canal. Il a produit récemment quelqu'un d'autre qu'on a eu décidément, c'est vrai que l'Ardux, Jeune Alluri, avec Du silence sous l'écorce qu'on a eu. Et on va avoir bientôt, je vous l'annonce, j'espère, comme ça je l'annonce aussi à Florentine qui n'est pas au courant, elle me regarde. Bien, dis-moi. Voilà. Ouais, vous avez tout en direct. On va recevoir. Et j'ai une honte. Et en plus, tu as un trou. Ça, je ne me souviens plus. Marchand et. Léo Marchand. Et je vais oublier. Oh, le réalisateur de la Saint-Festin. Oh, et Anne-Laure Daffier. Et Anne-Laure Daffier. Merci beaucoup, Anne-Laure Daffier. Et Léo Marchand, qui, je vous promets, seront bientôt. Viendront bientôt, parce qu'en plus, ils font quelque chose de très bien. C'est-à-dire que leur prochain film est plus ou moins sur internet, on peut le voir, enfin la fabrication, on peut voir comment on le fabrique, travailler avec des lycées, donc ça m'intéresse énormément, donc je pense qu'on verra. Et puis vous avez quelqu'un qui est une habituée une habituée d'ici, de Bulles de Rêve, décidément je commence à tout mélanger, qui est Marine Blin, que vous avez entendu, et qui travaille en effet sur son prochain film. Il y a une rencontre qui est aussi bien pour la personne que pour toi, je pense, est fondamental quand on pense à toi, c'est Jérôme Boulbès. Oui, absolument. Pour les deux, hein, Jérôme en parle aussi. Jérôme qui écoutera soit en direct, soit en podcast, mais j'imagine que ça sera un peu en podcast parce que Jérôme, normalement, il dort. Mais la rencontre avec Jérôme est pour moi vraiment une rencontre que j'en parlais tout à l'heure avec Georges, qui est vraiment un auteur que j'apprécie. J'aime son univers, j'aime bien la manière dont il a... puisqu'on était dans le thème de l'image de synthèse, qui, je pense, a réellement pris l'image de synthèse comme un outil, et il a glissé son univers à l'intérieur. Alors évidemment, c'est pas toujours évident d'arriver à glisser son univers dans ce genre d'outil, et je trouve qu'il s'en est super bien sorti. D'ailleurs, il a été remarqué avec son premier film Le Puits, qui a eu un gros succès, auquel j'ai eu ma participation, et j'en étais bien content, parce que j'ai trouvé vraiment cet auteur quelque chose de le bon compromis que moi je trouvais être intéressant, c'est-à-dire utiliser de la 3D mais en la décortiquant, en allant amener du graphisme. Il sort des arts déco, il avait vraiment déjà tout ça et cette sensibilité là je pense que si Le Puits a à la base déjà vraiment bien marché, et tous ces autres films ont vraiment bien fonctionné, je pense que c'est parce que les gens sentaient ça, quoi. Comment elle s'est faite, cette rencontre? Juste pour passer derrière le... Alors la rencontre s'est faite tout simplement par Stéphanie Machuret, qui est une nana qui bossait à MacGuff, qui bosse d'ailleurs toujours, et qui a d'ailleurs aussi réalisé un film Matopo sur un film sur lequel j'ai travaillé, et en fait elle me l'a présenté, mais vraiment dans les premières années où on bossait ensemble à MacGuff, m'a dit il faut que je te montre quelqu'un, et puis il se trouve que ça s'est fait par le hasard. Jérôme a eu une personne qui a pas pu venir, en fait, qui a pas pu travailler avec lui, et il m'a téléphoné à un moment où justement j'avais vraiment envie d'autre chose que de la 3D un petit peu entièrement disons de publicité, de choses comme ça, et il m'a proposé, il m'a dit est-ce que ça te dirait de venir bosser sur un court métrage. Je lui ai dit demande à un malade s'il veut la santé, oui, pas de problème. Enfin, en tout cas, et en plus pour moi c'était vraiment un vrai appel d'air, quelque chose de vivifiant, et c'est vrai qu'à travers ces courts métrages, parce que j'ai bossé quasiment sur tous ces courts métrages sauf un, j'ai vraiment eu l'impression aussi d'apporter ce que moi je pouvais savoir faire, et d'aller l'offrir à quelqu'un qui en fera bon usage, en fait. Et ce côté, en fait, un petit peu pour moi important actuellement, même dans ce que j'ai envie de faire, c'est d'investir du travail pour des gens, disons, qui vont le recevoir, mais de la bonne manière. Enfin, j'ai pas forcément envie d'engranger, d'aller forcément. Enfin, de toute façon, c'est pas ce qui me fait courir l'argent. Sinon, j'aurais pris d'autres décisions dans ma vie. Oui. Mais voilà, il y a une vraie envie maintenant de continuer à aider même Jérôme. Là, je vais l'aider pour son prochain. Pour aider un auteur, voilà. Mais tout bêtement, parce que ça aide quelqu'un qui veut s'exprimer. Parce que c'est vraiment très concrètement ça. Mais oui, c'est ça qui est vraiment étonnant avec vous deux. C'est que souvent, c'est même l'un des, entre guillemets, pas l'un des petits problèmes dans l'animation, mais souvent, c'est, il y a un réalisateur un peu tout puissant. Et en effet, on parlait tout à l'heure, il y a des techniciens, comme tu disais, Georges Lasseter, qui dit, mais moi, je m'en fous C'est humoristique. Oui, non, mais d'accord. Il y en a beaucoup quand même, des gens qui, comme par hasard, passent vrai, pas. Oui. Et les animateurs sont là, ils sont là pour, soi-disant, leur vision. Ou, évidemment, le réalisateur, animateur aussi, qui fait tout. Mais d'avoir des vrais dialogues, et c'est vrai que j'ai un petit clin d'œil, on en parle au début, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui se développent. Là, il y a une société, vous avez souvent entendu parler ici, qui s'appelle Papy 3D, où Franck Dion fait les décors du film de Gilles Quevelier, qui fait les décors, etc., qui va retravailler sur le film de Franck, etc. Et donc, il y a de plus en plus de dialogues. Et je trouve que vous, votre dialogue qui dure depuis des années avec Jérôme, et Jérôme, quand il vient à ce micro, il nous dit aussi à quel point, toi, tu es important dans son dispositif de création, c'est quand même étonnant. C'est quand même, même si aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, c'est quand même, ça reste encore un petit peu une portion congrue, on va dire, dans l'animation. Et là, on sent le dialogue total entre les deux. C'était pas vraiment une question, ce que j'ai dit. Donc non, mais tu parles de dialogue, mais c'est sûr. Enfin, moi, je sais qu'avec Jérôme, j'ai toujours eu l'impression de pas me contraindre à aller dans son sens. En fait, et je pense que si ça, on n'a pas non plus 50 rencontres d'artistes avec qui on peut dialoguer. Moi, je me suis pas forcé à aller dans son univers parce que j'avais une empathie déjà de base. Et effectivement, à travers finalement ses films, je crois connaître un peu, en tout cas. Jérôme dans ce processus de fabrication de films, et en plus oui, très concrètement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi j'ai l'impression d'être utile, voilà. Alors ça, c'est le côté qu'on connaît un petit peu, donc on a parlé de pas mal de choses. Pour finir, quand on fait un carton, et quand je dis un carton, c'est un petit mot, comme le dernier film que tu viens de faire pour le concours, hein, Food About You, pour YouTube, pour l'anniversaire d'Annecy, qui, selon absolument tout le monde, j'entends rarement ça, et c'est vraiment pour te faire un compliment comme ça en l'air, mais tout le monde à Annecy comprenait pas que le film ait pas eu le prix. Enfin, oui, il a été deuxième. Non, mais c'est pas le prix qui est important, c'est juste pour dire à quel point il y avait cet engouement pour le film. Le prix en lui-même, comme on l'a dit, c'est important, et à la fois c'est pas tout, on fait pas évidemment des films pour avoir des prix, c'est juste, moi ça m'a épaté à chaque fois que je voyais du monde, c'était, ah ouais, t'as vu, et là il est repris sur plein de sites internet, enfin c'est plein de sites de cuisine d'ailleurs. Mais c'est des sites très fréquentés. Enfin, en tout cas pour cette petite incursion, parce qu'en fait c'était ma première petite expérience comme ça de mise en place d'un film. En plus, je me suis contraint. Mon ami faisait un film en volume, et j'avais très envie de. En fait, moi, ça m'attirait, quoi. Donc, je me suis dit, bricole quelque chose. Pendant qu'elle est en train de tourner, fais un petit truc dans ton coin. Et puis, j'ai voulu aussi. Je tiens beaucoup à essayer de faire une petite prolongation de l'univers photo dans lequel j'étais. Là, actuellement, je baignais là-dedans, un peu dans les aliments, tout ça. Alors, je me suis dit, fais une collision entre les deux, c'est d'amener. Et puis, effectivement, ce qui me permettait aussi tout à l'heure de penser qu'il y avait des solutions par l'Internet. Je crois beaucoup au fait qu'on puisse ramener l'expression individuelle via le net, en fait, parce que, encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui veut s'exprimer, l'intérêt, et je me suis régalé de voir tous les commentaires sur YouTube, et là, ça fait déjà pas mal de temps que le film a passé le million, donc il y a vraiment énormément de commentaires. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement ça. C'est le contact direct avec quelqu'un qui peut s'exprimer sur votre film. Ah bon, on a des Jésus-Christ et tout ça de marquer dans les commentaires. Il y a des gens qui s'engueulent entre eux. Alors ça m'a bien fait, parce que les gens s'engueulent entre eux sur les commentaires de ce que la personne a fait 3-4 commentaires après, avant, ou réagit ou répond à votre page. Et finalement, c'est exactement ce que Jérôme me disait qu'il avait quand il faisait beaucoup de festivals avec le puits au début, c'est qu'il avait c'est plus quelque chose à vous après, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens vont aller vous dire vous avez voulu exprimer ça, moi très bien, enfin ça me va, moi il y a pas de souci. Et Jérôme je pense quand il écoutera ça rira bien, parce que c'est exactement ça. Et puis moi j'ai pas du tout envie de contredire ce que les gens peuvent extrapoler par rapport à quelque chose que vous avez pas forcément voulu dire. Enfin juste pour signaler, mon film ne veut rien dire, donc juste ça, voilà. Donc c'est juste un vrai bonheur visuel et un vrai plaisir. Ah, ça a été un plaisir de le fabriquer. Ça a été aussi un ça a été un plaisir de le fabriquer. Et je pense qu'en fait, c'est aussi ça. Je pense que les films aussi, pour revenir aussi à Georges par rapport à Fando, vous pouvez pas amuser ou vous pouvez pas vraiment faire plaisir à quelqu'un en face si vous n'avez pas déjà vous pensé à vous. Et il n'y a pas forcément une attitude d'égoïsme à fabriquer quelque chose, parce que vous le fabriquez forcément pour que ce soit vu, mais il faut aussi vous compter dedans. C'est-à-dire, si vous ne prenez pas de plaisir, vous n'en déclencherez pas. Et donc j'ai eu du plaisir à le fabriquer, et j'ai eu du plaisir à construire, à jouer avec de la nourriture. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Donc alors, Alexandre fait partie des gens comme Valérie Pierson, que j'embête depuis des années. Est-ce que maintenant que tu as dépassé le million donc sur YouTube, est-ce que ça veut dire que tu vas enfin revenir dans l'animation et nous faire après l'amende qui nous a tant émerveillé, faire un nouveau court métrage. Enfin moi ça se propose, enfin c'est pas pour moi un enjeu ni rien. En fait c'est, encore une fois, il faut avoir l'envie. J'ai eu envie de faire des photos, j'ai fait des photos. Je effectivement, enfin je me reproche assez ça souvent et depuis pas mal de temps, c'est je pourrais imaginer pouvoir m'être dissipé et tout ça, mais j'ai pas l'impression en fait. C'est tout va pour moi, s'imbrique. Food About You, il est né parce que j'ai fait mes photos avant, et mes photos elles sont arrivées et me plaisent énormément, enfin me plaisent à fabriquer, encore une fois, parce qu'il y a de la conception, et finalement pour moi ça rejoint au fait même d'imaginer pouvoir faire d'autres films. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, que j'ai envie de continuer à me régaler à fabriquer des choses, ça c'est sûr. Je sais pas si ça prendra la forme d'un film, là c'est parti pour pas prendre la forme d'un film dans les prochains projets, début d'année prochaine, je vous en parle pas, mais ça va venir, des choses qui vont prendre la forme ni de film ni de photo, qui vont être autre chose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et je pense libérateur, c'est de s'exprimer. Soyons clairs, tu l'as dit toi-même, c'est pas une question dissipée. Je comprends très bien qu'il y a un parcours de créateur, et l'idée n'est pas ça. C'est comme tu l'as dit toi-même, en tant que réalisateur, on est un peu égoïste parce qu'on a envie de le faire aussi un peu pour soi. En tant que spectateur, on est aussi un peu égoïste et on a envie de se dire, ben, c'est quand même dommage, j'aimerais bien encore voir un film. On est dans l'animation, ça veut pas dire que l'autre création, c'est quelqu'un. En ce moment, là, j'ai publié sur ce même pas mal de Nordstein. C'est juste, même si Nordstein continue sa progression artistique sans qu'on ait à lui dire, c'est vrai qu'en tant que spectateur un peu égoïste, on se dit, ah, s'il pouvait m'en donner un tout petit peu plus, je serais content. Dans, par exemple, l'animation, qui est, là, on parle d'animation surtout, qui est un peu notre, notre péché mignon, on va dire, quelque chose qu'on adore. C'était pas du tout, la création est là, au contraire. J'ai bien compris. On en parle sur les photos. Je souscris à la pétition, bon. Moi, j'aimerais bien une date, même. Voilà, c'était juste, en tout cas, le plaisir d'avoir, et aller voir, donc, tous ces films, sa création photo. Il y a plein de choses, en effet, qui sont très étonnantes, et puis, en effet, j'ai pu voir, c'est vrai qu'il y a une déclinaison qui fait qu'on est passé de quelque chose où il y avait aussi le plaisir, on sentait, mais là vraiment on arrive à quelque chose d'autre, je trouve, en plus du plaisir, dans la finition, dans la qualité, qui est vraiment étonnant. Donc précipitez-vous pour voir le travail d'Alexandre. En même temps, juste pour ironiser, il y a des chats qui font 14 millions de clics sur YouTube, donc même si j'adore les chats, mais c'est pas des chats du calibre d'illustration, de choses comme ça, c'est des chats tout bêtes. Oui, par rapport aux chiffres sur YouTube, il y a des films que j'adore qui sont pas vus, donc il y a, pour moi, ça doit pas être quelque chose qui révèle ou pas. C'est sympa quand on sait que des gens sont venus, mais je veux dire, après, c'est tout est relatif. Plus que les chiffres, Alexandre, plus que les chiffres sur merci pour le bruit de charrière. les chiffres qui sont que des chiffres, t'as raison. Moi, c'est vraiment le buzz qui est intéressant. Food About You, c'est un peu la même chose que ce qu'avait fait la révolution des crabes, je me rappelle, d'Arthur de Pain, où quand d'un seul coup, des gens m'en avaient parlé, pas de l'animation, il m'a dit, faut absolument que tu vois ce film-là, est-ce que tu le connais, des gens hors animation. Et c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des films qui des fois dépassent juste le cadre, que ça soit, t'as tout à fait raison, 500 ou 1 million de spectateurs. L'important, c'est que d'un seul coup on se dise voilà, et que quand on passe sur d'autres sites internet et qu'il y a une photo d'une image de ton, voilà, et tu dis, tiens, c'est étonnant, il en parle, et des sites internationaux, ce genre de choses, c'est ça qui est étonnant. Georges. Non, je dis, moi je crois que. Je respecte beaucoup ça, et j'y accorderai éventuellement, si ça se présentait, beaucoup d'intérêt, parce que, en fait, ce sont nos nouveaux spectateurs, si bien je veux sûr. Dire. Oui. Mais ces nouveaux spectateurs, on peut parler avec eux. J'ai jamais pu parler à quelqu'un qui avait été voir un truc au Rex sur un film avec qui j'aurais bien voulu en parler. et j'y crois de plus en plus. Je crois que c'est de plus en plus important, et c'est vraiment la chance pour les nouveaux auteurs, justement, de pouvoir se mettre en ligne sans avoir un directeur des programmes qui va aller demander à son directeur des programmes généraux si votre film va bien. Il y a quand même, à propos de liberté, de libertaire, on peut s'exprimer. Ça, c'est bien, je pense. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça reprend évidemment ce qu'on avait dit par rapport à l'émission sur Internet, ouais. Où en effet, beaucoup de gens avaient parlé de cette possibilité aujourd'hui de, en un clic, d'un seul coup, d'avoir comme une espèce de porte-monnaie virtuelle qu'on pourrait avoir, et plutôt que de taper son numéro de carte bleue, juste se dire, bah tiens, j'aime bien le film, je vais donner 50 centimes d'euros ou 50 euros. Mais en tout cas, voilà, il y a un côté... Je paye pour la création qui est faite, et c'est vrai, peut-être enfin réussir à passer au-delà forcément de contraintes purement de chaînes télévisuelles, et sur Internet, ça serait vraiment bien. Donc ça rejoint en effet cette idée-là, et j'espère vraiment qu'on va avoir ça. Avant qu'on entende visiblement Florentine, Ariel avait un mot à dire, et après, on a Florentine qui nous parlera, et après on s'arrêtera. Mais on finira sur Florentine. Georges. Juste une permission, parce qu'il y a un site web qui est fantôme.fr, mais qui n'est qu'une page d'accueil, là. On voulait juste remercier, dire voilà, on va venir. Mais en fait, on est au tout début, c'est pour ça que je te remercie, parce que, en fait, je me suis tâté en me disant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Il faudrait peut-être que je donne des adresses. Mais je sais que Meira Marguin, qui était une de nos animatrices à Fantôme, qui ensuite s'est occupée de l'animation aux Beaux-Arts de Paris, qui maintenant est à l'école Gobelin, avait fondé un petit truc, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais les amis de Fantôme, ça doit être Fantôme Animation ou autre sur Facebook. Donc si vous voulez garder contact, vous venez là, parce qu'on aura des choses à vous raconter par la suite. Voilà. Et alors, surtout... Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, mais cette fois-ci, on va le faire. Ça va se faire sûrement là cet été avec Florentine. On est en train de réfléchir pour un site. Vous savez que vous pouvez récupérer Boule de Rêve sur The Web Anime, Florentine. Sur The Web Anime, dans la rubrique, ça s'écoute, mais c'est vrai que bon, c'est pas simple. Ils sont pas tous au même endroit, donc on réfléchit à ouvrir une nouvelle page ou un nouveau site pour. Peut-être un mini site en fait, uniquement Boule de Rêve, vous aurez. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que grâce à ça, surtout, on pourra remettre à chaque fois toutes les adresses. Des invités qui sont venus et dire voilà, donner les liens directs sur les sites, ce genre de choses, donc ça sera avec plaisir. Et puis même, pourquoi pas, ce qui peut être intéressant, c'est revenir sur quelqu'un fantôme, on sait, oui, le site est réellement ouvert, deux mois après dire nouvelles les invités, et puis voilà. Donc de toute façon, on le mettra sur le site. Ariel avant Florentine. C'est un petit morceau que j'avais choisi pour l'émission précédente. D'accord. Madame Angleterre de Léo Ferré. Ok, en effet. Alors on va juste écouter ça avant Florentine qui va nous faire son agenda. Comme ça, on reprend notre respiration. On écoute. Okay. Madame Angleterre. Je m'en reviens de bien plus loin, de bien plus loin que vous croyez. J'ai vu des bateaux d'aventure qui se déhanchaient de mâture en baladant sur les rivières, leur souvenir et ma misère. J'ai vu des misaines lointaines, des vieux cargos sans capitaine qui s'en reviennent comme moi, on ne sait tout, on ne sait quoi. Qui sont rouillés, si vous saviez ce que je sais. Je m'en reviens de bien plus loin, de bien plus loin que vous croyez. J'ai vu d'étranges équipages et des bagages sans voyage, les archanges et des villes noires qui rafraîchissaient les mémoires. Paris dans la Tamise, avec la Seine toute grise, qui s'en reviennent comme moi, on ne sait tout, on ne sait quoi, toutes les belles sur la terre, au revoir Madame Angleterre, comptez sur moi, je reviendrai vous raconter ce que je sais. Plus loin. vent debout et tu t'y tiens encore debout, debout jusqu'à la fin du monde, avec mes bras pour ma fémonde. Et notre navire inviolé, gonflant nos voiles constellées, mettra le cap orange à nous, on ne sait quoi. Oui, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Libertaire à émission Bulle de Rêve. Et donc, je vais faire mon agenda qui clôturera cette émission. Voilà. C'est bien Florentine. Donc, l'agenda jusqu'en fin août, puisque, bon, comme c'est une période estivale, j'ai déjà trouvé quelque chose, mais pour la semaine prochaine, donc on n'aura rien. Ça, voilà, c'est pour cet été. Donc, on commence avec un cycle manga au Nouveau Latina. Alors, rien que le nom, j'ai failli. Voilà, c'est ça. J'ai même pas fait. J'ai beaucoup de mal avec le fait d'appeler manga tout ce qui peut s'approcher de la culture japonaise, mais bon. C'est quand même louable comme initiative. Donc, donc ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 4 septembre. Donc c'est tous les samedis à minuit. Alors bon, apparemment les gens qui vont voir des films d'animation japonais se couchent tard. Enfin, je sais pas, mais voilà, tous les samedis à minuit. Donc le Nouveau Latina rend hommage à l'animation japonaise avec un programme de classiques et d'inédits en salle en partenariat avec Kaze. Donc le 17, donc aujourd'hui, et le 14 août, on a My My Miracle de Sunao Katabuchi. Très joli film. Voilà, ouais. Le 24 juillet et le 21 août, on a Paprika de Satoshi Kon. Oui, fais les commentaires. Très beau, ici. Très beau film, qui n'est pas inédit. Mais voilà, très beau film. Le 31 juillet et le 28 août, on a Mind Game de Masaaki Yuasa. Que sublime, sauf pour Florentine Grenier. Non, arrête, j'aime ce film, c'est bon. Donc le 7 août et le 4 septembre, là on a un film obscur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Highlander, The Search for Vengeance de Yoshiaki Kawajiri. Voilà. Bon. Spin-off animé d'Highlander. Voilà, je c'est sais leur, pas trop c'est ce que leur, ça c'est vaut, l'inédit, mais bon, voilà. Non, faut aller voir Mind Game si jamais vous n'avez pas vu. My Miracle aussi, qui est un joli film. Voilà. Paprika, si vous ne l'avez pas encore vu, évidemment, mais à minuit, quelle idée. Bah, bon. C'est bien maintenant, les films d'animation. Les films d'animation, c'est ou le samedi à midi pour les enfants, ou le samedi à minuit pour les ados, soyez retardés, mais enfin, voilà, il n'y a rien d'autre pour l'anime, mais bon. Bah voilà, donc ensuite on a, alors je vous fais un peu le programme du studio des Ursulines, qui reste le cinéma, où toutes les semaines vous avez de l'animation. D'habitude, c'est vrai que je ne vous en parle pas forcément, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent au Forum des Images ou ailleurs, mais bon là, je vais faire un petit coup de projecteur sur le studio des Ursulines, qui a une rétrospective estivale tout le mois de juillet, avec beaucoup de films, dont de l'animation, avec par exemple Un crocodile dans mon jardin de Koneman, que je n'ai pas vu et qui a l'air très mignon. Voilà, Linéa dans le jardin de Monet de Christina Björk et Lena Andersson, qui est aussi craquant comme voilà, tout, qui vient de la Suède. Ah oui, qui est une petite fille qui vient et qui se promène dans Paris, notamment dans le jardin de Monet, c'est très mignon, faut absolument aller voir. Il y a aussi Kiki la petite sorcière de Miyazaki, et Brendan et le secret de Kells de Tom Moore. Voilà, donc des choses à voir. Ça, c'est la rétrospective estivale. Donc, tout le mois de juillet, pour avoir les horaires précises, vous allez sur www.studiodesursulines.com, tout attaché. On a Le Squatteur Indélogeable, bien sûr, Mon Voisin Totoro de Miyazaki, qui passe le dimanche à 11h30. Donc, si vous voulez le revoir, parce que je pense que vous l'avez quand même tous vu, j'espère, voilà, vous pouvez aller le voir toutes les semaines. Et on a aussi donc le programme L'Enfance de l'Art au tarif unique de 5 euros. Là, pour l'instant, c'est Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson et Janou l'Intrépide de Jean Image. Oh, ça, c'est un beau... Voilà. Comment on appelle un ça grand déjà écart. Un grand écart, merci beaucoup, parce que je l'ai voilà, fait en direct. Voilà, on a ces deux films-là pour L'Enfance de l'Art, et il me semble que ça change un peu toutes les semaines. Donc, allez voir de toute façon le programme sur leur site. Et il y a plusieurs salles aussi. Oui, pour L'Enfance de l'Art, il y a plusieurs c'est salles. C'est toute l'année, c'est très bien, il faut vraiment suivre. Ouais. Donc, voilà, ça, si vous avez besoin d'animation cet été, il faut aller au studio des Ursulines. Voilà, et ensuite, j'ai noté pour le cinéma en plein air, le festival spécial de la Villette où ils montrent des films en plein air, j'ai cherché voir s'il y avait de l'animation. Et il y en a un, Persepolis de Marjane Satrapi passe le samedi 7 août. Ils ont fait un effort. Voilà, donc c'est un festival qui se passe du 17 juillet au 22 août, qui fête ses 20 ans cette année. Et donc, bon, bah voilà, on a Persepolis en plein air qui peut. Waouh, un seul. Voilà. Bon, c'est déjà bien, plein, il pourrait n'avoir rien du tout. Voilà, on a les rencontres mensuelles, donc l'apéro parisien qui tombe le mardi 3 août. Bon, voilà, si vous voulez retrouver des gens et parler d'animation. Si les gens qui ne sont pas à Paris d'habitude viennent pendant les vacances. Oui, là, ouais, c'est les vacances, peu... on, c'est toujours maintenu pour la période estivale. Donc c'est toujours au bar La Mer à Boire à partir de 19h30. Voilà, pour boire une petite bière sous cette chaleur. Ouais. N'hésitez pas à venir. Et ensuite, on a les infos en vrac. Donc au cinéma, on a la sortie du Voyage extraordinaire de Samy le 11 août. Le meilleur film de cette année. En 3D. Vraiment, sûrement l'un des plus beaux films qu'on d'ailleurs, puisse voilà, avoir. Non, je plaisante. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il était à Annecy, c'est une horreur. Mais c'est une petite tortue. Enfin, c'est, enfin en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu La Mouche, leur film d'avant, Ben Stassen, qui est pourtant un grand nom du ride, justement, qu'avait fait. Et c'était quoi ce film avec les trois mouches Flight oui, to the Moon. Flight to the Moon, qui reçoit avec un scénario absolument indigent et catastrophique. Mais bon, c'est peut-être mignon, hein, non, pour les enfants. Bah... Je souscris sur l'analyse de Fly Me to the Moon. Ah, qui était... Surtout le contenu, presque... Ah oui, moi je parlais même pas technique, c'était vraiment le contenu. Après, c'est un film 3D relief qui mise beaucoup sur ça. Donc si vous voulez aller voir un film un peu parc d'attraction, il ne faut pas hésiter. Oui. Voilà. Ensuite, on a des films qui en ce moment sont en ligne à voir. On a par exemple le Big Bang Big Boom, le dernier film de Blue, qui est enfin en ligne. Donc Blue, qui est un réalisateur italien, si il me semble bien, voilà, qui peint sur les murs. Et là, dans le dernier film, il y a aussi de la pixelation. Ça. Bon, c'est à voir, c'est un peu long, moi, je trouve. Mais... Ouais, moi aussi, je trouve ça toujours mais bon, très long, les films. Vous pouvez aussi voir ces anciens Blue, sur sa page Vimeo, donc http://vimeo.com/blue. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également voir des images du nouveau Ghibli. Donc Ghibli d'ailleurs. Qui est sorti hier. Qui est sorti, oui. Non, qui sort, ouais, le 17 ouais. juillet. Bah c'était hier, non, c'était vendredi, hier, je crois, non. Ou aujourd'hui. Je crois qu'il sortait aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais. Je suis nul. Oui, oui, il sortait voilà. le 17. C'est peut-être que Jérôme Boulbès l'a vu. Alors réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Malheureusement, si j'arrive à bien le prononcer. Ghibli, c'est le nouveau Ghibli. Malheureusement, voilà. Isao Takahata, dernière nouvelle, a toujours ce film à faire absolument sublime qui est tiré de ses conférences qu'il fait sur l'image, donc manga, mais de la base, hein, de Kusai, enfin, etc. Il a fait toute une conférence par rapport à cette image manga, ensuite animée, etc. Et il voudrait faire. Le problème, c'est qu'évidemment, comme visiblement avec Takahata, c'est très très complexe, c'est très compliqué, un peu à la bain. On parlait de nos voisins les Yamada dans ce style comme ça d'un graphisme compliqué avec des logiciels qu'il faudrait mettre en place, enfin, etc. Donc c'est un peu long. Voilà, bon, en attendant, vous pouvez voir un peu partout hein, sur la toile les trailers divers et variés sur ce nouveau film alors, qui s'appelle The Borrowers, R.I.T. Comment tu dis ? The Borrowers, c'est ça, tout comme ouais, tu c'est ça, bon, R-I-T. Très bien. Voilà, alors vous pouvez aussi participer à un remake d'un film de Plimpton, pourquoi pas pendant cet été. Vous avez donc jusqu'au 1er septembre pour participer à un des 70 plans, donc c'est du film Guard Dog. Elle aurait pu choisir autre donc, chose. Donc voilà, il demande à 70 artistes de l'aider pour faire un remake du film. Donc vous pouvez en savoir plus sur... Dis le nom, la nom que tu m'as pris. Plimptoons.com, P-L-Y-M-P. TOONS.com. Et vous pouvez voir la magnifique bande-annonce de la 9e fête de l'animation qui est en ligne sur le site, elle est trop modeste pour le dire, donc de Florentine. C'est Florentine qui a fait cette très très belle bande-annonce où en fait l'idée c'était de mélanger toutes les affiches des différentes fêtes de l'animation qui ont été faites par les plus grands. Hein. Et effectivement, je l'ai vue, elle est très réussie. Voilà, elle est très réussie. Très, très vous belle. Vous pouvez pas me voir rougir. Bravo. Tous les noms, tous les liens. Hein. Ah oui, oui, non, et on va le remettre, c'est sur le site donc, de Florentine, comme ça vous pouvez voir toutes les jolies choses qu'elle fait. C'est Kobayanim, C-O-B-A-Y-A-N-I-M. blogspot blogspot.com oui, kobayanim.blogspot.com ouais. qui est mon blog personnel, mais elle sera voilà. aussi mise sur les sites partenaires de l'AFCA qui organise la fête de l'animation. Vous la voyez sur The Web Anime, sur The Web Anime, je l'ai mis sur Food Anime. Voilà. Vous l'avez, voilà, sinon vous tapez Florentine Grelier, G-R-E-L-I-E-R et vous tombez sur l'un de ses nombreux sites. Voilà, absolument à voir, elle est absolument magnifique. Je te et laisse finir. Ah non, tu me laisses finir avec les noms imprononçables. Ok, alors je vais faire. Vas-y, avec les cartoons d'or. Donc, les terribles cartoons d'or, les terribles nominations pour les cartoons d'or 2010 ont enfin été dévoilées. Nous avons A Family Portrait de Joseph Pierce, qui est pas mal, faut pas exagérer, qui est un joli film, même si son film d'avant était vraiment beaucoup plus fort. Le très beau Crocodile de Gaspard Jansic. Estonie, c'est sûr, oui. Qui est un film que j'aime beaucoup. Il était passé à Annecy l'année dernière, un petit peu barge, mais que moi j'aime vraiment beaucoup. Mmh. Ensuite, un film dont j'arrive pas à lire le nom, Poporama, Gomorama, Bogora, je sais pas, j'arrive pas à lire, d'un ancien collectif qui s'est arrêté, donc, et qui a eu quelques petits prix, visiblement à droite à gauche. Il a eu un Oscar, je crois, un truc comme ça, voilà. Cinnamon, d'Anita Kili, Norvège. Très beau film, voilà, sur un sujet un peu difficile, voilà, mmh. Même si je ne suis pas complètement tout le temps fan. Et alors, l'invraisemblable se produit enfin, The Tale of Little Puppet Boy de Johannes Nyholm, Suède, qui est un film barge, qui est super drôle, qu'il faut voir, qui est absolument délirant. Mais alors, de là, le mettre en cartoon d'or, c'est un truc, on sent que le type a fait ça pour se faire plaisir, une espèce de truc trash, un peu comme si Peter Jackson refaisait d'animation, mais il y a 20 ans, pas maintenant. Enfin, c'est vraiment le truc, et il est nominé au cartoon d'or. Il faut savoir quelque chose, parmi les cartoons d'or, on finira là-dessus, c'est que les cartoons d'or, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme l'Oscar, on va dire, européen. C'est-à-dire que il y a un nombre de festivals qui est agréé Cartoon d'Or. Les films qui obtiennent des prix dans ces festivals sont retenus. Et ensuite, trois personnes décident de qui va être dans la liste finale. C'est dommage parce que c'est un très beau prix, parce qu'on donne de l'argent pour un long métrage pour faire, donc il y a vraiment quelque chose. C'est un peu dommage que ça soit fait de manière aussi peut-être un peu, voilà, ça m'embête toujours ce genre de choses, que trois personnes seulement puissent prendre cinq films, surtout quand il y a pas mal d'argent. Annecy, par exemple, il y a pas d'argent, il y a un truc, mais alors là d'un seul coup ça me gêne un petit peu, mais voilà, bon, c'est encore un autre débat. Merci beaucoup d'avoir patienté, merci Ariel de nous avoir permis de continuer, merci beaucoup à Georges Lacroix d'être venu. Non, c'est moi qui remercie, vraiment ça m'a beaucoup touché pour plein de raisons, et je suis très heureux d'annoncer ça à Radio Libertaire, avec mes doutes, avec l'envie en tout cas de recréer plutôt un esprit, retrouver des gens qui ont tous en plus plus de talent que moi, pour les faire travailler évidemment. Et puis un petit mot sur Renato, qui a fondé un petit site qui s'appelle Once Upon a Toon, tout attaché, et qui vient de faire, à propos de food, il vient de faire une petite série de films qui s'appelle Petit Creux, qui sont des espèces de petites recettes où lui aussi a vu les studios remplis avec des tas de fruits, légumes et tout. Je pense que ça te plaira bien. Voilà. Salut Renato. On mettra en ligne le lien. Merci beaucoup, voilà. Alexandre. Merci à toi d'être venu. Vraiment. Merci à vous tous. Merci à Pierre d'être passé. Il n'a pas beaucoup parlé, mais j'espère que c'était intéressant. Et bien évidemment, comme d'habitude, mon plus grand merci, même si mes invités sont importants, est à Florentine Grelet, qui, comme d'habitude, c'est elle qui a invité tout le monde, qui a envoyé tous les mails nécessaires. Merci beaucoup, Florentine. Merci, Florentine. Oui. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec Florence Miaille pour encore une émission assez exceptionnelle en cet été. Merci à tous. Vous lui faites la bise de ma part aussi, à Florence. Pas de problème. Et tu sais ce qu'on va mettre ? On peut mettre, pour finir avec un secteur, on peut repartir sur le générique, sur la piste 1, à moins que tu l'aies déjà, ou je te laisse finir. Tu fais absolument ce que tu veux. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à tous. À la semaine prochaine.